ne m'en fais pas un fromage. Si malgré ton âge mûr, je te refuse droit dans le mur, je préférerais suivre les trois mages. Si tu penses aux hommes, t'as qu'à les regarder. Moi je ne fais pas l'aumône, t'as qu'à te garder. Ne restera pas, et on préfère tous fuir les problèmes. Les peaux tendres me renferment, toutes les mêmes célébrations déconcertantes dont je ne veux pas. Si tu penses aux hommes, t'as qu'à les regarder. Moi je ne fais pas l'aumône, t'as qu'à te garder. Qui te rend triste, c'est ton petit souhait mental, ce n'est pas réaliste. Tu vois un garçon trapu lancer le refus, mais gentil. La gentillesse ne rime pas avec fille quand elle refuse de comprendre un refus. Si tu penses aux hommes, t'as qu'à les regarder. Moi je ne fais pas l'aumône, t'as qu'à te garder. C'est mon rejet mental qui te rend triste. Et ton petit souhait mental, ce n'est pas réaliste. C'est mon rejet mental qui te rend triste. C'est ton petit souhait mental, ce n'est pas réaliste. Le refus d'une chose, d'une âme virtuose, des problèmes diffus, j'ai très mal entendu. Ce garçon est sans ombre, sans nombre malotru. Faire semblant et faire l'ombre, si j'ose. Si tu penses aux hommes, t'as qu'à les regarder. Moi je ne fais pas le mal.